Frédéric entrevit dans un éclair un flot d'hommes aux bras nus, envahissant le grand salon de Madame d'Ambreuse, cassant les glaces à coups de pique. Sénécal continuait. L'ouvrier, vu l'insuffisant des salaires, était plus malheureux que l'ilote, le nègre et le paria, s'il a des enfants surtout. Doit-il s'en débarrasser par l'asphyxie, comme le lui conseille je ne sais plus quel docteur anglais, issu de Malthus? Et, se tournant vers Sisi, en serons-nous réduits au conseil de l'infâme Malthus? Sisi, qui ignorait l'infamie et même l'existence de Malthus, répondit qu'on secourait pourtant beaucoup de misère et que les classes élevées. Ah, les classes élevées, dit en ricanant le socialiste. D'abord, il n'y a pas de classes élevées. On n'est élevé que par le cœur. Nous ne voulons pas d'aumône, entendez-vous, mais l'égalité, la juste répartition des produits. Ce qu'il demandait, c'est que l'ouvrier pût devenir capitaliste, comme le soldat, colonel. Les jurandes, au moins, en limitant le nombre des apprentis, empêchaient l'encombrement des travailleurs, et le sentiment de la fraternité se trouvait entretenu par les fêtes, les bannières. Hussonnet, comme poète, regrettait les bannières. Pellerin aussi, prédilection qui lui était venue au café d'Agneau en écoutant causer des phalanstériens. Il déclara Fourier un grand homme. « Allons donc, dit Delaurier, une vieille bête qui voit dans les bouleversements d'Empire des effets de la vengeance divine. C'est comme le cher Saint-Simon et son église, avec sa haine de la Révolution française. Un tas de farceurs qui voudraient nous refaire le catholicisme. » Monsieur de Sisi, pour s'éclairer sans doute ou donner de lui une bonne opinion, se mit à dire doucement « Ces deux savants ne sont donc pas de l'avis de Voltaire ?»« Celui-là, je vous l'abandonne, » reprit Sénécal. « Comment ? Moi, je croyais. » « Et non, il n'aimait pas le peuple. »